9h-10h, Multitube, animé par Fred. Fadjet. Chers amis, bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous. Nous sommes le samedi 24 décembre, il est 9h et vous commencez eh bien, le week-end. Vous poursuivez vos vacances avec votre radio Fadjet sur 94.2 FM et sur le net fadjet.net bien sûr. Et pour ce samedi d'exception, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous jusqu'à 10h, ma mission. Comme je le fais depuis tant d'années, c'est de vous accompagner jusqu'à la 10e heure de la journée de ce samedi, notamment de ce samedi 24 décembre. Alors, ça y est, c'est le jour J, chers amis, parce que aujourd'hui, c'est un samedi pas comme les autres. Et comme c'est un samedi pas comme les autres, j'ai déjà envie, à vous qui nous écoutez, de vous embrasser chaleureusement comme chaque samedi, mais également... J'ai envie de m'adresser aux plus jeunes parce que c'est une émission particulière. Début du mois de décembre, j'avais eu la chance de recevoir Saint-Nicolas. Et en ce 24 décembre, alors que vous, vous êtes peut-être en train de préparer votre réveillon de Noël, peut-être vous êtes en train de vous préparer pour aller faire vos emplettes de Noël. Eh bien, invité exceptionnel ce matin. Il va effectuer sa tournée ce soir. Il a déjà commencé. Il a fait sa tournée dans les écoles, on l'a vu ici et là, mais là il est présent ce matin dans Multitube. Ce matin, j'ai la chance d'avoir l'homme en rouge, le Père Noël. Père Noël, bonjour. Bonjour Fred. Quel plaisir, Père Noël, Papa Noël, oui. Quel plaisir de te recevoir. Alors, l'homme en rouge, la barbe blanche... Étrange ressemblance avec Saint-Nicolas que j'ai reçu ici à la même place. C'est parce que nous sommes cousins. Ah, c'est pour ça. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Vous vous ressemblez parce que vous êtes... Quand on vous voit, c'est signe de fête, c'est signe de cadeau et c'est synonyme pour les enfants de bonheur et même pour les plus grands d'ailleurs. Oui. Et en cette période très compliquée, en cette veillée de Noël, ça fait plaisir d'avoir le Père Noël ici à Fadjet pour bien démarrer la journée. Parce que c'est une longue journée pour toi, Papa Noël. C'est la plus longue journée de l'année pour ce qui me concerne. Et c'est vrai que je vais passer dans tous les foyers, amener auprès du sapin des cadeaux pour les enfants les plus sages. Alors nous sommes le 24 décembre, il est 9h03. Et c'est vrai que c'est une journée qui démarre pour les enfants où ils ont plein d'étoiles dans les yeux puisqu'ils se disent vivement ce soir ou vivement demain matin que j'ai les cadeaux que j'ai demandé à Papa Noël au pied du sapin. Alors, est-ce que tous les enfants ont été sages cette année déjà? C'est la question. Alors, pas tous, mais la plupart, oui, quand même. Alors, une autre question, ça me concerne, Papa Noël. Est-ce que de là-haut, quand tu me surveillais cette année, tu m'as trouvé exceptionnellement sage? Alors, c'est vrai, mon cher Fred, je vois tout ce qui se passe de là où je suis. Oui. Et c'est vrai que je vous ai, cette année, observé beaucoup. Et oui, je dirais que quand même, dans l'ensemble, vous méritez beaucoup de cadeaux. Ah. Ce soir, cette nuit, près de votre sapin. Quel est le message, Papa Noël, pour ce samedi d'exception? Quel est le message que tu pourrais donner aux enfants qui nous écoutent ce matin et même aux parents qui nous écoutent? Les auditeurs de Fadjet qui entendent le Père Noël ce matin, quel est le message que tu peux leur donner ce matin? Un message d'espoir peut-être? Oui, bien sûr, un message d'espoir. Et je leur dirai que ce soir, c'est la nuit de Noël. On est heureux. On fait la fête avec sa famille, avec ses amis, en ayant toujours aussi une pensée pour ceux qui vont fêter Noël ce soir seuls, mais d'être accompagné de ses proches et de vivre ce moment magique avec sa famille, c'est exceptionnel et c'est intemporel. C'est vrai parce que Noël, c'est quand même la plus belle période de l'année, c'est la période... Du rassemblement, c'est la période où la famille, les amis se rassemblent, se retrouvent, se réunissent. C'est le moment où les enfants attendent leurs cadeaux. Voilà. C'est un moment quand même, c'est religieux quand même. Hein. Aussi, il y a la veillée de Noël, il y a la messe de minuit, et puis il y a le Père Noël. et le Père Noël est avec nous. Alors chers amis, restez avec nous jusqu'à 10h parce que on va retrouver le Père Noël tout au long de cette émission. Il va nous parler de cette légende du Père Noël. Il va nous en parler tout au long de cette émission. Vous avez choisi Fadjet, chers amis, pour commencer votre samedi de Noël, week-end de Noël. Multitude vous accompagne au pied du sapin pour cette journée d'exception. 9h05, bon réveil, bonne matinée. C'est un jour de fête qui démarre et c'est avec votre radio de fête. Fadjet, merci d'être avec nous. C'est Multitude. Love and understanding. Merry Christmas, everyone. Fadjet. Un projet social, pédagogique et dynamisant. Fadjet, c'est plus qu'une radio. Alors chers amis, 9h10 pratiquement et vous avez choisi Fadjet pour cette veillée de Noël. Pour commencer ce samedi 24 décembre, une date vraiment qu'on adore tous. Et c'est avec Fadjet que vous ouvrez les yeux et on vous en remercie. Alors, avant de donner la parole à Papa Noël qui est présent ce matin, je vais vous donner quelques chiffres en cadeau, chers amis. Quelques chiffres et notamment des cadeaux de Noël. Il faut savoir que c'est dans le cadre d'études en sciences sociales que de nombreux chercheurs tentent tous les ans de dresser un tableau chiffré des fêtes de fin d'année. Une manière d'observer le comportement des Français, des consommateurs pour les fêtes. Et le budget de Noël fait partie de ces observations que les observateurs peuvent regarder. Et nombre de cadeaux par personne, repas du réveillon, eh bien, j'ai un chiffre. cadeaux, repas de Noël, etc. Il faut savoir que le budget moyen des Français pour les cadeaux pour les enfants en Noël dernier, donc en 2021, c'était 131 € en moyenne par enfant. C'est un chiffre qui peut vous étonner, mais c'est en tout cas ce que les parents ont dépensé pour leurs enfants, 131 €. Quand on sait que le Père Noël existe, c'est un peu dommage que les parents dépensent 131 €. Alors Fred, je viens vers vous. Est-ce que vous avez écrit cette année votre liste de cadeaux pour le Père Noël ? Oui, tout à fait. Je t'ai adressé un courrier. Qu'est-ce que vous avez demandé au Père Noël ? Alors moi, c'est très simple, Papa Noël. Je t'ai adressé un courrier. Je ne l'ai pas encore lu, c'est pour ça je vous demande. Il serait temps quand même, on est le 24 décembre, il est quand même 9h10. Il me reste encore quelques heures pour regarder ça. Très bien, alors c'est simple. J'ai demandé 3 cadeaux. J'ai demandé 3 cadeaux. Et j'espère que tu en prendras connaissance rapidement. Le premier cadeau, c'est étant donné qu'on a vécu une année particulièrement pas spécialement très sympa au niveau de l'Europe avec malheureusement ce qui se passe en Ukraine, je t'ai demandé une paix intégrale entre les Russes et l'Europe et notamment plus précisément avec l'Ukraine. Oui. Pour que les enfants au niveau de l'Ukraine puissent savourer aussi des moments de fête et que leurs parents aussi puissent savourer leur quotidien comme chaque être humain est censé le vivre, c'est-à-dire avec un maximum de bonheur. Ça, c'est mon premier cadeau. Le deuxième cadeau, j'ai demandé que tous les enfants malades puissent vivre différemment en 2023 et vivre dans de meilleures conditions, moins malades, que la maladie disparaisse. Et enfin, mon troisième cadeau que je t'ai demandé, Papa Noël, c'est juste de la richesse personnelle pour tous. Une richesse qui puisse faire évoluer le mental de chacune et de chacun. Que la France se baigne dans le bonheur en 2023. Et en fait, tous ces 3 cadeaux-là, Père Noël, j'espère que tu sauras mettre ta petite signature et tu pourras apporter ta patte pour que ces vœux se réalisent. Alors j'ai beaucoup de travail, mon cher Fred, mais c'est entendu et c'est noté. Très bien, merci. Quel est le cadeau le plus atypique qu'on t'a demandé? Quel est le cadeau? Ça dépend des âges. Alors l'enfant, par exemple, quel est la demande d'un enfant? Alors c'est des très atypiques. Des voitures. Oui. C'est standard. Des combinaisons, des hélicoptères. Mais récemment, j'ai été près de Versailles et ça m'a beaucoup touché. J'ai un père qui est venu vers moi et qui ne voit plus ses enfants depuis quelques années et qui m'a demandé si je pouvais l'aider dans sa démarche. Ça rejoint mes 3 vœux que je t'ai cité il y a quelques instants. Quelle est la demande la plus particulière qu'une femme ait fait au Papa Noël ? Oh, en général, les femmes aiment bien se mettre assis sur les genoux du Père Noël. Et qu'en pense le Père Noël ? Ça dépend de la personne. Ok, très bien. La dernière en date, c'était quand ? Oh, pas plus tard qu'hier. D'accord. Je fais beaucoup de marchés Noël, vous savez, en Lorraine. Oui. Et ailleurs, et c'est vrai que je rencontre beaucoup de personnes, et même des grands enfants qui désirent se mettre assis sur les genoux du Père Noël. D'accord, ok, alors moi je n'ai aucune femme qui est venue en me disant « Tiens, je veux être assis sur tes genoux ». Comme quoi, ça a une chance quand on s'appelle alors, Papa Noël. C'est la barbe qui fait toute la différence. Et le regard. Et elle trouve toute que j'ai une barbe très douce. Ah, c'est très bien. Non, mais c'est bien. Non, mais. Alors, j'ai pas touché ta barbe, mais avant la fin de l'émission, je me permettrai de. C'est beaucoup d'entretien. Oui, non, mais c'est une belle barbe blanche. Hein. Alors, on continue dans ce monde joyeux de Noël. Faut savoir que 1 million de personnes comptent passer Noël en dehors de chez eux cette année. Ça veut dire que vous qui nous écoutez, c'est un sondage réel, concret, pour ce Noël 2022. Chaque année, de nombreux Français passent Noël en dehors de chez eux, dans la famille ou chez les amis ou même au restaurant. Il y a peu de restaurants ouverts quand même le soir de Noël, mais ça existe. Il faut savoir que 1 million de Français comptent passer les fêtes en dehors de chez eux. Alors avec la grève annoncée au niveau de la SNCF, vaut mieux choisir des amis à proximité que des amis au fin fond de la France ou au fin fond de l'Europe. Et d'après Opodo, il faut savoir que de nombreux Français comptaient rester en France à cause des prix des transports trop élevés et aussi à cause de la grève. Cependant, une grosse partie prévoyait également de partir en dehors de la métropole, à la neige ou même dans d'autres pays pour voir de la famille. Les destinations préférées des Français en dehors des frontières métropolitaines, c'est la Guadeloupe et le Portugal. Oh, il n'y a même pas la Laponie. Même pas, non. Alors justement, Papa Noël, oui. Tu vas nous parler de la Laponie bien dans un sûr. Instant. Et j'aimerais bien que l'année prochaine, oui. vous puissiez venir me voir en Laponie. Pas mal. Dans mon élément. Alors, ce qu'on va faire l'année prochaine, Papa Noël. On peut faire l'émission de radio en direct de ma maison qui est située à proximité de la Laponie. Alors, le 24 décembre 2023, Fadjet et Multitube s'invitent chez toi et nous ferons un Multitube depuis ton domicile. Rendez-vous fixé alors pour 2023. Et on va faire quelque chose de sympa, on va venir même avec des danseuses, des chanteuses, des chanteurs. Pour mettre un peu de chaleur exactement. Dans la maison du Père Noël. Puis, mais exactement, parce que le 24 décembre, tu as une chanson. Cette oui. chanson, c'est Petit Papa Noël. Exact. On se souvient de la version de Tino Rossi oui. qui avait interprété Petit Papa Noël. Eh bien, nous viendrons l'année prochaine chez toi, mais en version soleil. Petit Papa Noël, on viendra te chanter Petit Papa Noël en version zouk. Alors, il y a une belle version oui. de la Martinique. Peut-être vous pouvez m'aider. Joyeux Noël de l'histoire de France. C'est pas la compagnie créole qui. C'est ça. C'est la compagnie créole. Je n'ai plus les paroles. Alors, le problème, c'est qu'on pouvait, on aurait pu te proposer la compagnie créole. Le problème, c'est que la chanson sert de cale à mon fauteuil. Donc, si tu veux, j'ai une autre version tout aussi sympathique. Oui. C'est en version zouk, Petit Papa Noël. Parce que dans les pays ensoleillés. On fête aussi Noël. On fête aussi Noël. Et c'est en version zouk. Alors, nous sommes le 24 décembre. Nous allons aller vers les îles. Et dans les îles, sur les îles, eh bien, Petit Papa Noël, ça donne cette version-là qu'on va entendre juste derrière nous, là. Et c'est pour toi, Petit Papa Noël. Savoure. Allez, c'est ta chanson. Thank you. Excellente chanson, c'était pour toi, petit Papa Noël. Alors je dis petit Papa Noël, mais en fait c'est Papa Noël parce que tu es... Pourquoi on dit petit Papa Noël? Oui, c'est vrai que je suis plutôt imposant. Alors c'est ce que j'évoquais tout à l'heure quand on est arrivé dans les studios de la radio, j'étais juste derrière toi. Il y a beaucoup de marches à monter. Et je disais quand même que t'étais assez large même. Hein. Dans la chanson, petit Papa Noël, c'est plutôt... considéré comme une marque d'affection. Bien sûr, bien sûr. Mais je suis imposant, on peut alors, dire. Alors, parle-nous de la Laponie, quand même. Alors, il Parce fait que très froid. C'est la question qu'on se pose à chaque fois. C'est le Père Noël, bien sûr, on le voit fin d'année. Mais quand c'est la canicule en juillet... Oh, il n'y a pas de canicule en Laponie. Non, pas du tout. Toute l'année, la Laponie est nappée d'un grand manteau blanc. Ça doit être agréable. Oh, c'est très très beau. Alors, je m'y plais bien. Alors, il me semble que l'année dernière, je t'avais posé la question de savoir si la mère Noël, les filles du Père Noël étaient présentes, puisque c'est la question qu'on se pose. Est-ce que le Père Noël vit seul ou accompagné? Oh, j'ai la mère Noël qui m'accompagne et qui m'aide beaucoup tout au long de l'année pour mes préparations. Les reines également, mais aussi une armée de petits lutins qui sont toujours présents. Ils sont déclarés ? Oh, oui, alors je vis dans une autre dimension. Mais attention, mes petits lutins sont un brin malicieux. Bien sûr. Ils sont très taquins. Et d'ailleurs, il y en a qui sont planqués en ce moment dans la radio. C'est pas vrai. Mais si. C'est pas possible. Alors soyez vigilants, Fred. C'est ça qui me gratte dans le dos. Ils sont très moqueurs et très taquins. C'est les lutins. Oh oui, les petits lutins. Et les filles du Père Noël ne sont pas venues, non ? Ah, alors non. Non. Bon, c'est jamais. Très bien, 9h22, revenons sur cette journée magique. Chers amis, vous qui nous écoutez, c'est Noël et vous êtes en train de préparer, c'est le dernier rush avant la grande soirée, puisque ce soir, vous allez vous retrouver en famille, vous allez vous retrouver avec les amis. C'est l'ouverture des cadeaux pour les enfants demain. Et nous avons une pensée naturellement à ceux qui vont passer Noël, le réveillon seul. Restez avec Fadjet, puisque grâce à votre radio Fadjet, naturellement, vous serez largement accompagné, que ce soit pour Noël et que ce soit pour le nouvel an. Alors, je voudrais revenir sur ce chiffre. 56% des Français pensent offrir ce soir ou demain des jouets d'occasion à leurs enfants. Là, en 2022, pour cette année, et avec la hausse des prix, les Français pensent à économiser et à préserver leur budget, que ce soit pour dépenser moins ce soir ou demain, pour le réveillon ou pour le jour de Noël, ou pour faire un geste pour l'environnement. Plus d'un Français sur deux pense qu'offrir de l'occasion est préférable que d'offrir du neuf à Noël, en particulier en ce qui concerne les cadeaux de Noël pour les enfants. En effet, 56% des Français souhaiteraient offrir de la seconde main à leurs enfants pour les fêtes, un chiffre qui nous vient donc de l'Institut de sondage Quantitude. Alors, juste une chose, c'est vrai que les cadeaux, on offre des cadeaux à Noël le 24 décembre. Aujourd'hui, vous allez offrir des cadeaux. Oui. Demain, pareil, vous offrez des cadeaux. Et le 26 décembre, on retrouve ces cadeaux sur le Bon Coin. Tu justifies ça comment, Père Noël ? Je trouve que c'est bien malheureux. C'est dommage parce que quand même, toi, tu passes par les cheminées pour déposer les cadeaux. Ça me donne beaucoup de mal en plus. Exactement, parce qu'il y a des cheminées... Voilà, oh, c'est étroit. Des cheminées où des fois c'est un peu compliqué. Où je me brûle un peu le derrière. Exactement. Soyons cash. Voilà. Alors justement, et le lundi 26 décembre, quand tu vas regarder ce lundi, quand tu vas regarder sur le net, tu vas voir les cadeaux où t'as sué pour les déposer au pied de la cheminée. Ça me fait beaucoup de peine de le dire parce qu'un cadeau c'est quand même un acte d'affection. On offre un cadeau à quelqu'un. Oui. Et donc peu importe le cadeau, c'est le geste qui compte. Et donc on le garde. On ne le revend pas sur le Bon Coin. On est d'accord, tout à fait. Merci de ce message, Père Noël. Est-ce que, Monsieur Fred, je voudrais peut-être vous proposer quelque chose ? Ah, mais propose ! Est-ce que pour ce soir, ma grande tournée, vous voulez m'aider et faire avec moi un petit tour de traîneau ? Alors, oui. Oui, mais la question... Alors, attention... Faut pas avoir le vertige pour monter sur le traîneau. Non, alors, je n'ai pas le vertige. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Moi, ce qui me poserait problème, c'est de passer par la cheminée. M'attendez sur le toit ou sur le traîneau, alors ? Oui, mais sur le toit... Et je serai le seul en même temps, dans la En même cheminée. Temps, je pourrais éventuellement changer des tuiles. Si je vois quelques tuiles, ou alors, on fait de pierre un coup. Vous occupez des mamans. Ou je m'occupe des mamans, hein, si le papa est parti chercher du bois. Voilà. Mais c'est une très bonne idée, Père Noël. Moi, la seule chose, c'est que quand on rentre dans la cheminée, on se salit un peu, quoi. Enfin, oui, mais voilà. La barbe, elle est plus blanche. Ah, c'est de la magie. D'accord. Je peux pas donner tous mes secrets. Comment fait-on quand on s'appelle Papa Noël? Comment fait-on pour que sur la métropole, pour que au niveau de l'Europe, les enfants en une nuit comme ça, en claquant des doigts, est-ce que c'est un peu le côté Joséphine Ange Gardien sur la distribution des cadeaux? On peut dire que en plus, je suis le maître du temps. Oui, c'est vrai, le temps s'arrête. Je multiplie les minutes, les secondes, les heures, je les agrandis. Ah oui, mais et j'arrive. À un moment donné, nous, quand on dort. Oui, vous savez que le temps est relatif. Non, mais je comprends rien, mais moi qui dors très peu, Papa Noël, si tu m'allonges la nuit, je vais dormir combien? 24 heures? Oui, mais moi, je démultiplie le temps pour la tournée de Noël. D'accord, mais pour nous, ça change rien. Ah, pour vous, vous ne pouvez pas. Vous n'êtes que des êtres humains. D'accord, mais pas toi, bien pas évidemment. Moi. Merci Papa Noël, 9h26, vous écoutez la radio si vous venez de nous rejoindre. Sachez que c'est un multitube spécial à l'occasion de cette veillée de Noël. Chers amis, le Papa Noël est avec nous dans les studios de la radio. Et le Papa Noël qui est venu avec des friandises. Oh, toujours. Alors que le Saint-Nicolas début du mois est venu les mains dans les poches. Hein. Très bien, je te remercie Papa Noël. Chanson de Noël encore avec une version très sympa. Pas de Jingle Bells, on adore cette version-là, c'est Noël, bien évidemment, on vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de Noël, la direction, les animateurs, les bénévoles se joignent à moi, pour vous souhaiter eh bien, un excellent réveillon de Noël. Papa Noël, cette boule sur la tête... elle porte bonheur. Et joyeux Noël. Un son magique pour cette journée magique alors que Papa Noël est en train de regarder les différents courriers qu'il n'a pas eu le temps de lire ces jours derniers. C'est toujours un plaisir. Alors c'est à chaque fois comme ça, c'est-à-dire tout le courrier, tu regardes et tu coches donc sur ta tablette numérique, exact. Tu coches le cadeau en question. Je vous fais une petite confidence, c'est vrai que pour la lecture des lettres, je suis toujours un peu à la bourre, mais toujours prêt à l'heure. Et je vous attends ce soir pour m'aider dans le traîneau. Je serai là, Papa Noël. Et je serai là et je vais même venir avec toi pour distribuer les cadeaux dans les différentes chaumières de France et de Navarre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui m'étonne. Oui. Et toi, Papa Noël, qui peut comparer les Noëls de il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, un siècle. Il y a juste une chose qui me fascine cette année. Oui. C'est que, et c'est pas moi qui l'invente, c'est un chiffre que j'ai, oui. C'est un Français sur quatre décore sa maison avec un sapin de Noël. Seulement un Français sur quatre. C'est vrai que c'est vraiment pas beaucoup, en fait. Les traditions se perdent, tout mais dépend. Oui. Mais c'est vrai que dans les campagnes où je vais rurales, les villages sont si joliment décorés de sapins, de boules de Noël et de guirlandes et de crèches également. Alors, justement, Papa Noël, on fera le point ce soir quand je serai sur ton traîneau. J'espère que il y a un peu de bouffe sur le traîneau. Prenez manger une écharpe. Oui, j'ai une écharpe, je suis équipé. Et si vous n'avez pas d'écharpe, oui, prenez une bouteille de Mirabelle ou de Poire Williams, ça bon. Remplacera l'écharpe. Eh bien, je vais plutôt éviter l'écharpe et je prendrai la bouteille de Mirabelle. Mais mis à part ça, sur le traîneau, on peut manger, hein, y a pas de problème. Oui. Très bien. Alors, un Français sur quatre décore sa maison avec un sapin de Noël et qu'on fasse le choix d'un sapin de Noël naturel ou d'un arbre de Noël artificiel. Seulement un Français sur quatre achète un sapin de Noël et le décore. C'est en tout cas ce que révèlent les chiffres de la dernière étude sur Noël réalisée par Kantar TNS à la demande de Valor en 2021. Ce qui veut dire que l'année dernière, un Français sur quatre a décoré sa maison avec un sapin. C'est peu quand même. C'est peu, je sais. Malheureusement, les bonnes traditions se perdent. Alors, Papa Noël, j'ai une question avant de retrouver nos chansons de Noël pour cette journée particulière. J'ai une question de Valentin qui fête ses 4 ans, le 28 décembre. Et Valentin habite du côté de Avricourt. D'accord. Dans le 54. Oui, je connais. Sur bien. Le haut de la Meurthe-et-Moselle. Et tout à fait. À la frontière de la Moselle. Exact. Je Alors, situe bien. Ce petit Valentin me parle d'un certain Alexandre. Oui. Ah. Ouais. Ce petit Valentin me dit, cher Fred, je t'écoute chaque samedi matin. J'ai un voisin qui se prénomme Alexandre. Il roule en voiture allemande noire. Figure-toi que l'autre soir, il n'arrivait pas à dormir. Parce que son seul problème à Alexandre, c'était quel cadeau offrir à Fred. Est-ce que tu peux répondre à ce petit Valentin qui va fêter ses 4 ans le 28 décembre? Et parce que Alexandre n'arrivait pas à dormir parce qu'il ne trouvait pas le cadeau de Noël pour moi. C'est quand même un drame. Alors, dis-moi tout, Papa que Noël. Que Valentin aille voir Alexandre, oui, et qu'il continue à réfléchir et peut-être qu'il trouvera le cadeau idéal pour son cher ami Fred. Alors le petit Valentin continue, il met PS. Je sais Fred que tu aimes les Rolex. J'en ai parlé à Alexandre, il m'a dit bonne idée. Alors, pourquoi pas, il faut... Alors, que se passe-t-il, Papa Noël? Mais c'est une bonne idée. Avricourt se situe en France, pas en Suisse. Quoique Suisse est une marque de montre. La Rolex est une marque de montre suisse. Bien, en tout cas, merci Papa Noël. Et j'espère que tu répondras à Valentin et tu pourras donner des nuits complètes à Alexandre en lui donnant réponse à ses questions. Alors, Papa Noël, chanson de Noël avec... alors, on a écouté Petit Papa Noël version Zouk. Eh bien, on va retrouver une chanson soleil. Une chanson soleil, la Macarena. Oui. Est-ce que ça te parle? Oui. La Macarena en version Noël. Eh bien, ce mariage du son de l'été avec le son des fêtes, je trouve ça juste génial. Écoute, Papa Noël, c'est pour toi, 9h34. Tout va bien, c'est le matin, c'est samedi, nous sommes le 24 décembre. Quoi que vous fassiez, on vous souhaite la bienvenue. Et quoi que vous fassiez, on vous souhaite un excellent réveillon de Noël par avance. Papa Noël avec nous, jusqu'à 10h. Thank you. C'est Noël et ça fait plaisir, Multitube vous accompagne alors qu'il est 9h37 avec notre invité, le Père Noël, avec toutes ses chansons de Noël. On pense naturellement à celles et ceux qui travaillent ce matin, notamment les métiers de la bouche qui travaillent, n'est-ce pas? Et même le seul qui va travailler ce soir. Exactement. Peut-être pas le seul, mais il y a beaucoup de travail ce soir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui vont quand même travailler, notamment les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, voilà, les personnels soignants. Exactement, ils vont travailler ce soir, on pense à vous. Et c'est toujours avec votre radio Fadjet que nous allons vous accompagner, que vous soyez en fête ou que vous soyez au travail. Alors, Papa Noël, alors nous sommes le 24 et c'est vrai que ça fait toujours rêver quand on regarde le calendrier, qu'on soit au mois de mars, au mois de mai, qu'on soit au mois de juillet, quand on parle du mois de décembre et qu'on parle de Noël, on pense à toi. Et moi, je vais t'offrir un cadeau. Oui. C'est rare. C'est rare qu'on offre un cadeau. Voilà, oui, parce que généralement, le Père Noël, il se fait toujours avoir, quoi. Il offre, mais il n'a jamais rien. Si, l'amour des enfants, peut-être. Je donne. Voilà. Mais... je suis là pour ça aussi. Exactement. Eh bien, moi, je vais te faire un cadeau. Et c'est un cadeau d'exception. Puisque j'avais envie de t'offrir un cadeau, parce que c'est vrai que tu fais des cadeaux à des millions d'enfants, à des millions d'adultes, mais on ne t'offre jamais de cadeau. Eh bien, moi, je vais t'offrir un cadeau et... Père Noël, oui. Je te le dis droit dans les yeux. Je t'attends le jeudi 29 décembre à 20h. Parfait. Un peu avant d'ailleurs. D'accord. Tu peux venir en traîneau, il y a de la place. Au château, centre culturel, à Saint-Max. À Saint-Max. Pourquoi ? Je connais très bien Saint-Max. Ouais. Eh bien, pourquoi je t'invite ? Eh bien, tout simplement, c'est deux messieurs qui sont là. Ils vont se présenter. Alors attention, Papa Noël, il faut être gentil avec eux. Bonjour, Papa Noël. Voilà. Vous avez été sage. Oui, très. Oui, oui, absolument. Alors, que se passe-t-il, Papa Noël? On est intrigué par ces deux personnes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le 29 décembre à Saint-Max. Alors, justement, on va faire les présentations comme dans les grandes émissions radio. Attention, mesdames et messieurs, nous avons le Père Noël. Et ils sont là, présents, en chair et en os. Et attention, ils vont se présenter parce que il y a un événement le 29 décembre. Si la télévision a ses événements, eh bien, nous, du côté de Nancy, nous avons nos événements aussi. Bonjour, messieurs. Bonjour, Frédéric. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien, et toi? Ça fait plaisir. Bah oui, ça la fait dernière plaisir. Fois que je t'ai vu, c'était à une soirée où le code couleur était le rouge. Ah oui, exact. Exactement. On va faire les présentations. Bien qui bien. Est le charmant jeune homme qui est sur ta droite? C'est Thomas, c'est mon meilleur ami, et puis c'est avec Thomas qu'on présente notre collection, justement, le 29 décembre. Alors, que se passe-t-il le 29 décembre? Eh bien, écoute, le 29 décembre, on a décidé d'organiser une belle soirée, un beau défilé. Toi qui connais déjà un peu le milieu et qui a déjà assisté à pas mal de mes événements. Tout à fait, avec grand plaisir, parce que tu organises toujours les choses en grand et c'est toujours magique. Ben, merci beaucoup, merci bien. Et donc, on a décidé de reprendre un peu la mode, parce que j'avais mis ça un peu en stand-by fut un moment, parce que je m'étais occupé du cabaret. Oui. Et puis donc là, je me suis dit, bah, pourquoi pas relancer la mode. On va redonner ton prénom, pardon, parce qu'on n'a pas donné ton prénom et on me fait signe comme quoi le prénom n'a pas été donné. D'accord. Ah non, mais Père Noël, il voudrait connaître ton prénom. Oh, oui. Et bah, mon prénom, c'est Fayez. Oh, enchanté. Enchanté, enchanté, Père Noël. Santa Claus. Oh, bah, enchanté. Alors, c'est donc le 29 décembre. C'est le 29 décembre, exactement. Voilà, très bien. Alors, comment ça va se passer, cette soirée? Alors, comment ça va se passer? Bah, en fait, c'est tout simplement que le public et ainsi que nos invités et quelques clients que j'avais aussi par la boutique que je tenais avant... passage des Dominicains. Le public arrive aux alentours de 19h30. Le défilé commence à 20h. Ouverture des portes 19h30 au château à Saint-Max. Le défilé commence à 20h. Et puis ensuite, on présente toute une collection avec 22 mannequins qui défileront le soir-là. Oh. 22 jeunes demoiselles qui seront là parmi alors, nous. Alors, Papa Noël, tu viens du coup? Intéressant. Ben là, il n'a plus le choix. Et là, pour le coup. Pour le coup, il n'a plus le choix, comme ça. Tout à l'heure, Papa Noël nous disait que ce qu'il adorait, c'est qu'il y avait beaucoup de demoiselles qui venaient pour prendre des selfies et poser sur ses genoux. D'accord. Donc, qu'elles aiment les vieux monsieur. Voilà. Pourquoi donc, pas 22 mannequins. 22 mannequins, ouais. Qui défileront dans les plus beaux salons du château à Saint-Max. Et puis voilà, donc le défilé aura lieu à 20h et puis voilà. Donc comment s'organise cette soirée-là, puisque c'est quand même un défilé, donc c'est toi qui fais les tenues, comment ça se présente? Justement, non, je tiens à préciser là donc depuis la rencontre avec Tom, on a décidé en fait, si tu veux, créer les tenues, c'est ce que je faisais auparavant. Oui, et puis, que tu faisais très très bien. Bah merci beaucoup. Et avec le Covid et avec tout ce qu'il y a eu par la suite... ça coûte de l'argent, ça coûte énormément cher. Pour les ventes qui se passent, c'était pas vachement... Donc là, tu as des partenaires. Donc là, j'essaie d'avoir des partenaires, mais surtout, en fait, ce qu'on a essayé de mettre en avant, c'est les petites marques indépendantes. Oui. Aller dénicher un peu des pièces sur Paris, au Luxembourg, aller chercher des petits trucs qu'on peut pas trouver, en fait, ici, sur Nancy, et que la cliente, elle est contente d'avoir parce que ça reste... ça reste de l'unique, ça reste presque. De l'unique, complètement. Complètement. Il y a des petites choses qu'on retravaille de temps en temps. Par exemple, s'il y a des boutons qui ne nous plaisent pas, ben on va les retirer, on va mettre d'autres boutons. Ou s'il faut rajouter une broche sur une chemise. Ou voilà. Mais on garde la pièce telle qu'elle. Et donc, ça prend énormément de temps parce qu'il faut trouver ces pièces, il faut aller les chercher. Et puis, il faut surtout se mettre dans la tête de la personne ou de la cliente qui va porter la tenue et qui va se sentir aussi unique à des prix qui restent très abordables. Alors... donc ça, c'est un peu le but de notre... De notre soirée. D'accord. Exactement. Alors, nous sommes samedi, c'est donc la semaine prochaine, l'événement. C'est ça. Pour celles et ceux qui nous écoutent ce matin, oui. Comment faut-il faire pour venir voir ce défilé couture, haute couture? Haute couture, non. Non, mais quand même, Fayez, écoute, moi, je me permets de le dire. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai tellement de l'admiration pour toi. Et je le dis vraiment avec le cœur. C'est pas parce que c'est le Père Noël qui est présent et que nous sommes le 24 décembre, mais j'ai tellement d'estime pour toi parce que ce que tu le fais tellement bien que c'est tellement magique pour nous, public. Et c'est grandiose. Et moi, vraiment, je serai présent le 29, je serai présent la semaine prochaine avec Papa Noël. Mais vraiment parce qu'à chaque fois, je n'ai jamais, mais jamais été déçu de tous les événements que tu pouvais faire. Et je pense que la qualité, non mais vraiment, et la qualité de ton travail, en tout cas quand on est nous, quand on regarde, qu'on est le public, on se dit, mais quel talent, quelle classe. Alors oui, alors haute couture, pour toi, pour vous, pour Tom, c'est pas spécialement non, mais pour moi en tout cas, qui adore les défilés, etc., je me dis, c'est de la haute couture parce que t'as la classe. Eh ben merci beaucoup. Et donc le public sera présent. Merci donc infiniment. L'entrée, c'est pas exorbitant, le prix. Le prix est de 20 euros pour l'entrée. Les réservations se font sur Instagram ou sur Facebook. Si tu veux, je peux les donner aussi. Bien sûr. Et puis ou par téléphone directement. Donc ils appellent le 07 81 24 14 73 et puis ils peuvent réserver les places bien sûr pour assister à la soirée et au défilé. Le défilé sera suivi d'un cocktail, après un cocktail de l'amitié. Oui. Et puis voilà, les clientes, elles pourront retrouver les pièces aussi qui seront exposées dans le salon de l'entrée sur des portants et qu'elles pourront essayer, s'amuser, voir, prendre super. Des photos et faire... un grand moment. Alors, grand chers moment. Amis, vous qui nous écoutez, sachez-le, notez-le, c'est jeudi soir. Et c'est jeudi à partir de 20h, soyez là avant puisque l'ouverture des portes, c'est à 19h30. C'est ça. Voilà, donc venez nombreuses et nombreux. Restez avec nous. Ne bougez pas. 9h46, Papa Noël. Un petit message peut-être pour Fayez. Parce que justement, toi qui as regardé tout le monde, il était comment Fayez cette année? Il a toujours été très sage. Ah. Alors, ce qui m'étonne, c'est que, ce qui m'étonne, Papa Noël, c'est que tout à l'heure, je t'ai posé la question me concernant. Tu m'as dit, dans l'ensemble, j'avais été sage. Mais Fayez, lui, il a été parfait, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et Tom qui est juste là, est-ce qu'il a été sage, lui? Oui, je pense aussi encore plus sage. Je pense que c'est le plus sage de tous ici. D'accord, très bien. Merci, merci Papa Noël. Alors, Fayez et Tom sont avec nous. On va en parler, on va reparler de l'événement dans un instant, puisque c'est jeudi et c'est à 20h. Donc, ce soir, c'est le réveillon. Demain, vous faites la fête. Et puis, on peut tous se retrouver après, entre Noël, Nouvel An, pour le défilé. Et c'est jeudi soir et c'est à 20h au château. Et c'est à Saint-Max. 9h47, Papa Noël, tout va bien? Au poil, tout va bien. Merci pour les friandises, la table en est garnie. Alors, n'en abusez pas trop, c'est sans excès, oui, pas bien dans sûr, l'abondance. Bien sûr. Excellente matinée, merci d'être avec nous, c'est Noël, on vous embrasse. Fadjet, votre radio qui vous transporte vers des ondes positives incroyables. Fadjet sur la FM 94.2, sur le net, fadjet.net. dogs listen and children listen to hear sleigh bells in the snow, sleigh bells in the snow. On ne se lasse pas des chansons de Noël, c'est tellement magique, Papa Noël, Papa Noël. Non mais moi, une heure avec toi, j'ai l'impression que c'est deux minutes, quoi, tellement que c'est magique. Alors, Papa Noël, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Et j'ai envie de dire, cette émission que nous faisons depuis ce matin 9h, c'est un peu comme un film, il y a un début, il y a une fin, c'est comme une chanson, il y a un début, il y a une fin. Et malheureusement, ça va être pour nous le moment de te saluer. Mais je repars, mon cher Fred, pour mieux vous retrouver l'année prochaine. Alors, Papa Noël, il y a juste un truc qui m'angoisse. Oui, dites-moi. Vraiment, il y a un truc qui m'angoisse, c'est que le petit Valentin, qui est du côté d'Avricourt, 54... Je veux le voir de ce pas. Voilà, parce qu'il insiste, il vient de me renvoyer un message. Et il me dit, Fred, je t'écoute en direct ce matin à la radio. Je suis avec Alexandre. Oui. À Avricourt 54, je suis chez lui. Oui. Il pleure, car il ne sait pas quoi faire, pour le cadeau de Fred. Alors justement, je m'y attelle, et je vais régler ce problème de ce pas. Ok, donc la Rolex, on peut dire que c'est validé au petit Valentin ? Oh, je vais voir. Je vais dans un premier Non mais Père Noël, avec toi, c'est pas je vais voir, c'est oui ou c'est non. Alors est-ce que c'est possible ? Alors... C'est plus compliqué que ça. Dans un premier temps, je vais retrouver mon traîneau qui m'attend sur le toit de la radio. Oui, les oui. Reines, vous entendez les reines? Oui, on entend les reines. Alors, Papa Noël, un grand merci, on va te souhaiter du courage pour ce soir. Merci. On va à te tous. Souhaiter du courage pour demain, pour cette nuit et magique. Et je passe tous vous voir dans vos maisons, dans vos foyers, cette nuit. Et j'aurai un œil très attentionné envers tout le monde et avec tous les cadeaux que je vais apporter pour donner plein de bonheur quand tu déposes, et plein de joie quand, à tous. Quand tu déposes les cadeaux et que tout le monde dort dans les chaumières de France et de Navarre... Moi, je suis très discret. Il est très discret, mais est-ce que ça t'arrive de croiser des gens qui dorment sur le canapé avec peut. La bave, la bouche ouverte, ça la bave, peut, qui ça ronfle... Ça peut, et je verrai bien ce soir... Quand je vais passer chez toi, mon cher Fred. Ah. Mais je t'attends, mais attention. Je vous ferai une photo. Mais oui, alors, faut faire attention quand même, hein, parce que, attention, on est quand même 8, 9, 10 à la maison. Alors, on parlait des mannequins tout à l'heure. Je ne suis entouré que de mannequins, oui. Faut faire attention quand même. Hein. Est-ce que je pourrais défiler avec les mannequins sur mais la scène? Bien sûr, Père Noël, évidemment. Non, mais voilà, non, mais c'est quoi de cette histoire? Non, tout de suite. Monsieur oui. M'a gentiment dit que j'avais un habit haute couture. Très bien. Mais c'est marrant parce qu'il m'a dit la même chose tout à l'heure. Donc moi aussi, je peux défiler ce soir. Enfin, pas ce soir, mais je peux défiler jeudi. Merci, Papa Noël. Merci à tous. Merci beaucoup. Et joyeux Noël. Merci. Merci bien. Au revoir, Papa Noël. Alors, au revoir, Papa Noël. Merci. Ah, il fait tomber le fauteuil. Mais décidément, quelle discrétion, quel départ. Oh, heureusement qu'il n'est pas tombé avec le fauteuil. Ça aurait été une sale histoire, le Père Noël qui tombe dans les studios. Bien, chers amis, nous allons terminer l'émission avec cette info de jeudi prochain, donc à 20h à Saint-Max. Alors, revenons quand même sur cet événement pour celles et ceux qui préparent leur réveillon, peuvent noter au coin de leur table, comme ça, l'événement de jeudi soir, 7 à 20h. Et naturellement, c'est au château à Saint-Max. D'ailleurs, à ce titre-là, on remercie la ville de Saint-Max. Oui, complètement, bien sûr. Je voudrais remercier Eric Penselfini qui, à chaque fois, qui, à chacun de mes événements, honnêtement, les assure parfaitement avec une communication qui est incroyable aussi. Et donc, ouais, si je peux appuyer là-dessus et le remercier, parce que depuis des années, ça a toujours été comme ça et il m'a soutenu depuis mes débuts. Donc, merci Eric. C'est important les ouais. soutiens, hein, c'est vrai. Et vraiment, quel rôle tient Tom dans ton univers magique? Parce que là aussi, c'est un univers magique, hein. Oui, c'est vrai. Alors, Tom, quel est ton rôle? Bah, mon rôle à moi, c'est de dénicher aussi des pièces et de confectionner, de faire de différents assemblages et puis trouver des pièces vraiment uniques. Parce que déjà, dans un premier temps, c'est moi, lorsque je m'habille, je fais exactement pareil. Je cherche à ne pas avoir une pièce que je vais croiser dans la rue, que quelqu'un va porter. Et j'aime beaucoup ce monde qui est la mode. Et suite à la rencontre avec Fayez, qui m'a plongé dans son monde-là, qui est la mode exactement, et bah, ça m'a donné envie de continuer avec lui et puis de créer une marque par derrière et puis faire des défilés, des événements et voilà, que bravo. Ça prenne une ampleur assez... Bravo. Donc, je vous souhaite, moi, tout le bonheur du monde. On rappelle l'événement, c'est jeudi, c'est à 20h, c'est au château et c'est à Saint-Max, avec des mannequins sublimes. Le casting est magnifique. Ah, mais je n'en doute pas, c'est ce qui fait ta force. T'es toujours aussi très bien entouré. et donc, avec des tenues totalement exceptionnelles. Et je vous invite, vous, chers amis qui nous écoutez depuis ce matin, à venir donc nous retrouver jeudi soir à 20h, et c'est au château et c'est à Saint-Max. Max, on rappelle pour celles et ceux qui sont intéressés, pour avoir des places. C'est sur réservation, donc il suffit qu'ils composent le 07 81 24 14 73. Ils envoient un message ou ils appellent. Et puis sinon, ils peuvent retrouver sur la page Facebook ou la page Instagram. Sur Instagram, c'est Alba, A-L-B-A, c'est tout simple. Et puis ils passent réservation et puis ils seront les très bienvenus. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous passer cette information. Merci à Tom, merci Fayaz. Alors, c'est Noël et on n'a pas posé la question à Papa Noël tout à l'heure, mais est-ce que vous avez fait votre demande de cadeau pour Noël? Bah écoute, t'as fait ta demande, toi, Tom? Non, pas encore. Pas encore. Mais pas encore. Et les gars, faut se dépêcher quand même. Non, il va être le plus gros cadeau, ce serait que ce qu'on est en train de créer et de réaliser, que ça fonctionne et que ça cartonne. Alors, ça serait... Tout à fait, tu as raison. Et tu as raison de le dire, et on va finir là-dessus. C'est vrai que Avec cette motivation, avec cette force de frappe que Fayez a depuis la nuit des temps, je pense que ça ne peut que fonctionner, ça ne peut que marcher. Le tout dans cette histoire-là, c'est d'être bien entouré. Et Dieu sait que si on a un projet en or, si on a des idées solides, mais qu'on est mal entouré, malheureusement, on se tape un mur. Mais c'est vrai que quand on a la chance d'être bien entouré, et je te souhaite pour 2023, je vous souhaite les gars, pour 2023, que vous soyez hyper bien entourés avec des partenaires en or, de façon à ce que vous imaginez aujourd'hui, ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous écrivez aujourd'hui, soit vraiment mis grandeur nature sur 2023. Et je vous le souhaite vraiment chaleureusement et du fond du cœur. Merci messieurs. Bah, merci à toi. Un grand merci beaucoup, Fred. Merci, c'était un réel plaisir de vous recevoir. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon Noël, les gars. Mais pareillement. Un bon Noël. Mais c'est ici que nos chemins se séparent, chers amis. C'est sans doute pour mieux nous retrouver la semaine prochaine. On va vous souhaiter un excellent réveillon de Noël avec Fadjet, bien sûr, sur la FM 94.2 et sur le net fadjet.net. Que vous soyez en famille, avec les amis, que vous travaillez ou non, eh bien, nous sommes avec vous pour ces fêtes de Noël. C'était Multitube avec le Père Noël. La semaine prochaine, nous serons ensemble. Alors, notez bien les rendez-vous, puisqu'il y a samedi prochain le rendez-vous à 9h. Et puis samedi prochain, pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, je serai également à vos côtés à 23h. Donc samedi prochain, on se retrouve à 9h et à 23h pour Multitube sur son 31. Excellent réveillon à vous, excellent Noël. Passez d'excellentes fêtes. Merci, rendez-vous samedi prochain. Et rendez-vous jeudi soir pour nous à Saint-Max. À jeudi. Voilà, merci beaucoup. Bon Noël à tous. Merci, rendez-vous samedi prochain. Et merci de votre fidélité.